Le faux moribond, une aventure de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellem. Les deux coups de feu essuyés par l'inspecteur de la sûreté Pinson au cours d'une expédition nocturne contre la bande des cinq points du quartier du combat, sans lui causer un réel danger, l'avait mis dans l'impossibilité de reprendre son service pendant quelques semaines. Les deux balles avaient pu être extraites, mais elles laissaient des plaies profondes qui par moments empêchaient tout mouvement du bras. Pinson obtint de ses chefs un congé de 2 mois qui devait le laisser se remettre entièrement et les médecins lui ayant recommandé l'air de la mer, le policier partit pour Saint-Valery-en-Caux, une petite plage peu coûteuse où il était certain d'avoir toute la tranquillité voulue. Il avait loué un pavillon assez éloigné de la plage et qui se trouvait relativement isolé sur la route qui conduit à Dieppe. Ce pavillon avait dû, à une époque assez reculée, faire partie d'une grande propriété adjacente que les habitants avaient pompeusement baptisé du nom de château de Villemont. À vrai dire, c'était une grande bâtisse, triste et grise, perdue dans un grand parc que personne n'entretenait, en jugé par les herbes folles qui poussaient partout dans les allées. Cette propriété appartenait à un beau vieillard de près de 80 ans, M. de Cauchon, général à retraite, qui vivait en reclus. Seule une femme de charge, fort âgée, et depuis de longues années à son service, ainsi qu'un vieux jardinier, lui servait de domestique. M. de Cauchon sortait rarement, mais Pinson l'avait quelquefois rencontré dans une petite voiture d'osier, une voiture de malade, que le jardinier traînait sur la route ou que poussait la femme de charge. Comme voisins, on avait échangé des coups de chapeau, et avec la liberté familière que permet la villégiature, on en était même venu à entrer en conversation discrète. Le beau ou le mauvais temps, le vent, la pluie, le soleil, l'orage approchant, tout avait été momentanément un sujet de conversation. Cet homme, s'isolant ainsi, avait éveillé la curiosité du policier, qui, par des racontars, avait appris que M. de Cauchon s'était retiré du monde après le mariage de son fils unique, Jean de Cauchon, mariage auquel il s'était formellement opposé et qui n'avait eu lieu qu'après les sommations respectueuses. Le général, dont la femme était morte depuis longtemps, n'avait, en dehors de son fils, que 2 parents, un beau-fils et une belle-fille, Élise et Max Dulor, enfants de Madame de Cauchon d'un premier lit, car elle était veuve quand il l'avait épousée. Max Dulor était un financier dont la position était bien assise à la Bourse de Paris, et lorsque son beau-frère Jean avait été chassé du domicile paternel par le général, il n'avait pas hésité à le prendre comme employé dans ses bureaux. Instinctivement curieux, Pinson avait appris tous ces détails sur la famille de Cauchon. Revenant un soir du casino, l'inspecteur de la sûreté s'apprêtait à se coucher quand on frappa violemment à la porte de son pavillon. « Qui peut venir à cette heure ?» pensa le policier en allant ouvrir. Une femme était là devant lui. « Monsieur Pinson ? » interrogea-t-elle. « C'est moi, madame. Voudriez-vous, monsieur, nous rendre un grand service ? Je suis mademoiselle Dulor, la belle-fille de votre voisin, le général de Cauchon. Si je le puis, mademoiselle, ce sera, je vous l'assure, avec le plus grand plaisir. Voici. Mon beau-père est mourant. Je ne crois pas qu'il passe la nuit. Il désire changer avant de mourir certaines clauses d'un testament fait il y a quelques années. Son notaire est à Paris, et même mandé par télégramme, il ne pourrait être ici que dans la journée de demain. Voulez-vous être assez aimable pour servir de témoin à la pièce que mon beau-père veut signer ? Je suis affolé par cette fin inattendue, toute subite, et ne sachant où aller à cette heure tardive, j'ai tout de suite pensé à vous, notre plus proche voisin. Mademoiselle, le temps de passer un par-dessus, de prendre mon chapeau et je vous accompagne. Je ne connais le général que de lui avoir causé au cours de mes promenades lorsque je le rencontrais par hasard, mais je suis peiné d'apprendre le malheur qui vous arrive, et croyez qu'en cette occasion, je me mets entièrement à votre disposition. » Quelques instants après, Mademoiselle Dulor et Pinson se trouvaient au chevet du moribond. Avant de monter dans la chambre, au premier étage, le policier s'était croisé dans l'escalier avec la vieille femme de charge. « Monsieur Jean, dit-elle à Mademoiselle Dulor, c'est bien, ma bonne Louise, fit cette dernière, en montrant le chemin à Pinson, je vais tout expliquer à monsieur. » Et tout en montant l'escalier, elle lui dit à voix basse, « Vous avez dû probablement entendre parler de nos histoires de famille. Le général, vous devez le savoir, est depuis longtemps d'un caractère très étrange. Oui, on me l'a dit. Savez-vous aussi qu'il ne veut pas voir son fils depuis son mariage ? Oui, mais je crois que dans les circonstances actuelles, ce fils devrait être ici. C'est sa place. Est-il possible de communiquer avec lui, de lui faire savoir la triste nouvelle ? C'est justement ce qui trouble tant Louise, la femme de charge. Elle lui a envoyé un télégramme qu'il n'a pas reçu, car mon frère Max, qui ignorait ces événements et chez qui Jean est employé, avait envoyé ce dernier pour affaires de Paris à Bordeaux. « C'est en effet bien fâcheux, » répliqua Pinson, « surtout s'il eût été possible au dernier moment d'amener une réconciliation entre le père et le fils. « Chut !» fit Mademoiselle Dulaure en mettant un doigt sur ses lèvres. « Vous savez que mon beau-père est très faible. Je vous recommande de parler très bas. » On était arrivé sur le palier du premier étage et la jeune fille marchait sur la pointe des pieds. Tous deux pénétrèrent alors dans la chambre où le malade se trouvait couché et qu'éclairait à peine une lampe placée loin du lit. Mademoiselle Dulaure amena le policier auprès du moribond. « Père, lui dit-elle, voici M. Pinson, notre voisin, qui a bien voulu venir vous servir de témoin pour la pièce que vous voulez faire dresser. » Le mourant ouvrit les yeux pour remercier l'inspecteur. Sa moustache blanche pendait lamentablement sur son impérial, les yeux semblaient distraits, et sur son chef se trouvait posé un bonnet de coton qui, en d'autres circonstances, eût pu paraître grotesque. Le général lui tendit la main, et Pinson ne put s'empêcher de remarquer en la lui serrant qu'elle était de chaleur normale, ce qui ne manqua pas de lui paraître extraordinaire chez un homme prêt à mourir. La main n'était ni froide ni brûlante. « Laissez-nous, » fit M. de Cauchan en s'adressant à sa belle-fille. « J'ai besoin de m'entretenir quelques instants avec M. Pinson. » « Je sais, monsieur, » dit-il aussitôt que la jeune femme fut partie, « que je suis sur le point de mourir, et puisqu'on a été vous chercher, voulez-vous faire quelque chose pour moi ? Tout ce qui sera en mon pouvoir, soyez-en sûr. Vous savez mon histoire, peut-être. Les difficultés que j'ai eues avec mon fils au sujet de son mariage. Oui, je sais, et je regrette qu'il ne soit point ici en ce moment, » fit Pinson. Un éclair de haine sembla passer alors dans les yeux du moribond. « Eh bien oui, je me suis juré que jamais il ne repasserait le seuil de ma porte. »« On doit tout pardonner, » répliqua Pinson, « tout oublier, surtout au moment de passer à cet au-delà que nul ne connaît. »« C'est justement pour cela que j'ai demandé à ma belle-fille d'aller chercher quelqu'un, pour que je puisse faire un testament qui détruise ce que j'ai fait auparavant. »« Par colère, je n'avais rien laissé à Jean, je l'avais déshérité. »« Je reviens aujourd'hui sur ce que j'ai fait autrefois. »« Vous avez raison. » La colère est mauvaise conseillère. Monsieur Pinson, voulez-vous sous ma dictée écrire mon dernier testament, que je vais aussitôt signer de ma main si Dieu me prête vie jusque-là? Je ferai ce que vous désirez, général. Oui, en effet, les derniers vœux d'un mourant sont sacrés. Allons, allons, ne parlez pas comme cela. Vous vous croyez plus mal que vous ne l'êtes en réalité. Alors, vous dites, ajouta Pinson, en s'asseyant à une table sur laquelle il avait trouvé de quoi écrire. « Je lègue à mon fils Jean, dicta le général, la somme de 50 000 francs. Toutes autres sommes reviendront à mon beau-fils, Max Dulaure. Et votre belle-fille, mademoiselle Élise, vous n'y pensez pas? Elle n'a besoin de rien. Vous êtes bien décidé à signer ce testament? Parfaitement. Je ne veux pas que mon fils Jean soit dans la misère. Je lui laisse 50 000 francs. Qu'il en fasse ce que bon lui semblera. Mais quant au reste, je préfère que mes beaux-enfants en profitent, car ils m'ont toujours entouré de leurs soins. Peut-être en eût-il été de même de votre fils, si votre orgueil blessé ne vous l'avait pas fait chasser du seuil familial. Ne me parlez pas de Jean, fit le général en se soulevant sur sa couche. Je le hais. L'inspecteur de la sûreté se trouva choqué de ce mouvement de colère chez un mourant et eut un sourire de mépris. À la veille de mourir, un moribond laisse toute rancune de côté. Le papier que Pinson avait écrit était prêt maintenant, et le général de Cauchan y apposa sa signature tremblotante, tandis que Pinson et la femme de charge, appelés à ce moment, signaient également à titre de témoin. Le policier prit congé du moribond, en lui souhaitant naturellement prompte guérison, et serrant la main de Mademoiselle Dulaure, qu'il rencontra dans le grand hall, il lui dit « « Votre beau-père vient de faire un nouveau testament, signé par votre femme de charge et par moi, et que je garde en poche jusqu'en temps opportun. Pinson, lui souhaitant le bonsoir, s'éloigna, cherchant dans l'ombre de la nuit à gagner la grille du parc qui donnait sur la grande route. Parvenu au bout de l'allée, le policier se retourna soudain, revenant sur ses pas pour demander qu'on lui donnât une lanterne, quand il aperçut, se profilant sur les rideaux d'une des fenêtres éclairées, la silhouette d'un vieillard à longue moustache et dont le chef était couvert d'un bonnet de coton. « Voilà qui est plus que bizarre, » se dit Pinson. « Tout à l'heure, le général était à l'article de la mort et le voici maintenant ressuscité. Quel mystère est-ce donc là ?» Prétextant de la lanterne dont il avait besoin pour faire le chemin, il revint au château de Villemont dont la porte lui fut aussitôt ouverte par Mademoiselle Dulaure. « Ah, mon pauvre beau-père » s'écria-t-elle. « Il vient de trépasser au moment même où vous sortez d'ici. »« En êtes-vous bien sûr ?» interrogea Pinson en fixant Mademoiselle Dulaure les yeux dans les yeux. « Allons, quittons-nous, mademoiselle, et laissons les événements se développer d'eux-mêmes. » Le surlendemain, dans le grand salon du château de Villemont, se trouvaient réunis autour du notaire, du général de Cochon, son fils Jean, ses beaux-fils, ses belles-filles, Élise et Max Dulaure, ainsi que Pinson, l'obligeant voisin qui avait en main le dernier testament du défunt. « Vous avez, je crois, lui dit le notaire, le dernier papier signé par M. de Cochon et par lequel... Oui, par lequel 50 000 francs reviennent à son fils Jean, tandis que le reste de sa fortune devient la propriété de son beau-fils Max Dulaure. » Pinson donna lecture de cet acte au bas duquel il avait mis sa signature. Puis, traversant la pièce, il déchira le papier en petits morceaux qu'il jeta dans l'âtre, où ils brûlèrent immédiatement. « Comment, monsieur ? » s'écria le notaire en bondissant de sa chaise. « Vous détruisez cet acte ? » ?»« Parfaitement, monsieur. » »« Mais savez-vous que vous vous rendez coupable d'un délit qui peut vous conduire ?»« Nulle part. Cet acte est un faux. Et voilà le faussaire !» ajouta Pinson en désignant Max Dulaure du doigt. « Cet individu, pour s'approprier la fortune du général de Cochon, s'est maquillé en moribond, et avec l'aide de sa sœur, a joué le rôle du mourant. C'est lui qui m'a fait dresser le soi-disant testament du général, au bas duquel j'avais mis ma signature comme témoin, ainsi que Louise, la femme de charge. Je veux bien avoir été refait par un faux moribond, mais il ne sera pas dit que je laisserai un héritier légitime être spolié de ce qui doit lui revenir légalement. » C'était le faux moribond, une aventure de l'inspecteur Pinson par Jacques Bellême.